L'actualité à Nancy et ailleurs. Le deuxième salon Grandes Écoles Commerce Ingénieurs se déroulera ce samedi 6 octobre de 9h30 à 17h30 au Centre Prouvé à Nancy. Pamela Cameron, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du salon Studirama pour ce 6 octobre. Alors première question, pourquoi un salon spécifique Grandes Écoles ? Pourquoi ce choix ? Puisque les salons Grandes Écoles regroupent essentiellement les écoles de commerce et d'ingénieurs. Donc ce sont des secteurs qui sont très demandés par les jeunes. Et du coup, on fait à cette période de l'année pour de suite les aider à commencer à s'orienter en début de rentrée. À qui va s'adresser particulièrement ce salon ? Les lycéens, les étudiants ? Tout à fait, ça va s'adresser à tous les lycéens et étudiants de terminale à Bac+5, tous ceux qui sont à la recherche d'une formation supérieure, mais aussi ceux qui souhaitent se spécialiser, ou alors ceux qui se sont tout simplement trompés dans leur parcours, dans leur cursus, et qui souhaitent se réorienter. Alors ce samedi 6 octobre au Centre Prouvé de Nancy, comment ça va se passer sur place quand on arrive ? Comment on est orienté ? Alors, lorsque les étudiants vont arriver, on va leur donner un plan avec la liste des exposants, et ils vont pouvoir retrouver dans la liste des exposants les écoles qu'ils recherchent par secteur, s'ils cherchent plutôt une école de commerce ou une école d'art ou une école spécialisée dans l'ingénierie par exemple. Il faut savoir également qu'il y aura un programme de conférences tout au long de la journée pour pouvoir répondre en direct à leurs interrogations. Alors justement, ces conférences, elles sont sur quelle thématique ? Alors les conférences, elles seront réalisées par des intervenants qui sont présents sur le salon et on va aborder différentes thématiques. On va parler par exemple du digital, mais aussi de comment choisir une école de commerce ou par exemple aborder aussi les métiers du marketing et de la communication. Combien d'écoles seront présentes ce samedi ? Il y aura environ une trentaine d'écoles ce samedi. Quand on est étudiant ou lycéen, qu'on va bientôt passer le bac, c'est pas toujours évident de se retrouver par rapport à toutes ces études proposées, ces grandes écoles ? C'est pas évident du tout, effectivement. C'est pour ça aussi qu'on a mis en place un atelier d'orientation. On a un partenariat avec Ton Avenir. Et donc, ce sont des intervenants qui sont spécialisés dans l'orientation et qui sont là vraiment pour répondre à toutes les interrogations concernant leur volonté d'orientation. Donc là, c'est vraiment personnalisé. C'est le jeune qui vient expliquer le diplôme ou l'objectif de métier qu'il a en tête. Et du coup, ces intervenants vont l'aider à trouver tous les cursus possibles pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc il y a un accompagnement sur place. Pour participer à ces ateliers, est-ce qu'il faut s'inscrire ? Ils pourront s'inscrire le jour même en arrivant sur place. Et plus généralement pour le salon Studirama, est-ce qu'il faut une inscription ? Alors qu'ils n'hésitent pas à télécharger l'invitation sur studirama.com. Mmh. Ça leur permet du coup d'éviter de faire la queue le jour J à l'arrivée sur le salon. Ensuite, s'ils n'ont pas eu le temps de télécharger l'invitation, pas de panique, ils peuvent remplir un formulaire et du coup ils auront accès sans problème au salon. Et sur le site studirama.com, on retrouve bien évidemment toutes les infos concernant ce salon ? On retrouve toutes les informations concernant le salon. Vous verrez toutes les écoles qui seront présentes le jour J, et également le programme des conférences ainsi que les horaires et aussi les ateliers d'orientation avec les horaires également. Très bien. Enfin, pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à des étudiants lycéens qui se posent aujourd'hui des questions sur leur orientation pour leur donner envie de venir participer à ce salon Studirama samedi prochain au Centre Prouvé à Nancy ? Si on réalise ce type de salon, c'est justement parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont dans la confusion dans leurs orientations. Les écoles sont également présentes aussi pour apporter de l'information en plus de leur formation pour vraiment les aider à leur dire s'ils sont faits effectivement par l'idée qu'ils ont dans la tête, par exemple de faire de l'informatique ou autre. Et s'ils ne trouvent pas ce samedi-là, on organise encore d'autres salons d'orientation tout au long de l'année pour justement aider tous les jeunes durant l'année. Merci à Pamela Caméan, responsable du salon Studirama Grandes Écoles Commerce Ingénieurs qui se déroule ce samedi 6 octobre de 9h30 à 17h30 au Centre Prouvé à Nancy. Vous retrouverez toutes les infos pratiques sur le site studirama.com. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.